إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui un nouveau livre qu'on va lire ensemble inshallah et duquel on espère profiter et tirer beaucoup de choses bénéfiques bi'ibnillah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et la foi et la piété et al-ilm an-nafi', la science bénéfique, wal-amal as-salih et la bonne action, wal-ikhlas fi al-qawli wal-amal, la sincérité dans la parole et dans l'action. Donc le cours qu'on commence aujourd'hui, c'est un livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, qui est l'explication de la aqida des deux imams al-Raziyyin, et on dit la aqida des deux Razi, je l'ai traduit comme ça, l'explication de la aqida des deux Razi, même si en réalité en français yani, ça se peut que ce soit pas clair lorsqu'on entend ce titre, parce que les gens se demandent peut-être, mais qu'est-ce que sont les deux Razi, hein? Et lorsqu'on fait allusion aux deux Razi, on parle de l'imam Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Donc les ulama ont l'habitude, quand ils parlent des imams des salafs, parmi les imams d'Ahl Sunnah, de mentionner ces deux grands imams qui venaient de la même région, c'est-à-dire de la ville de Ray. Et les gens qui viennent de la ville de Ray, on les appelle, on l'appelle, la personne qui vient de cette ville, on l'appelle Ar-Razi. Donc il y a beaucoup de savants qui se sont appelés Ar-Razi, en dehors de ces deux imams-là. Mais ceux-là, les deux sont particuliers puisque c'était des imams parmi les imams de l'Ahl Sunnah et les imams des salaf, hein, et donc des grands imams du hadith, de la science du hadith et du jarh al-ta'dil et de plusieurs sciences donc qui sont reliées au hadith. Et donc c'est pour cette raison-là que on les mentionne toujours ensemble puisqu'ils ont vécu presque à la même époque ou à la même époque. Et donc c'est ça qu'ils ont parmi leurs particularités. De toute façon, on va donner une courte biographie. Aujourd'hui, c'est juste pour, disons, lire l'introduction du livre. On ne va pas rentrer encore dans le texte du livre lui-même. C'est juste lire l'introduction qui a été écrite par le Cheikh Ahmad ibn Yahya al-Zahrani, hein, qui est un des élèves du Cheikh, un des compagnons du Cheikh Rabi al-Madkhali hafizahullah. Donc on va voir, inshallah, qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on va comprendre de ça. Donc l'imam Abu Hatim al-Razi, qui est né en l'an 277 de la Hijra, et l'imam Abu Zur'a al-Razi, qui est né en l'an 264. de la Hijra. Le premier qui est donc l'imam Abu Hatim al-Razi qui est mort en l'an 277 de la Hijra, et l'imam Abu Zur'a al-Razi qui est mort en l'an 274, rahimahumallah. Et donc ces deux imams ont donc clarifié leur aqida, qui est la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a, qui est la aqida des salafs. Ils ont mentionné et clarifié leur aqida, et le fils de l'imam Abu Hatim, Ibn Abi Hatim al-Razi, a expliqué, donc a noté, a pris en note cette aqida, et yani, elle nous a été retransmise par l'intermédiaire des ulama d'Ahl Sunnah par la suite dans les livres d'aqida des salaf, comme le livre par exemple Usul i'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam Al-Alakai. On retrouve cette aqida mentionnée avec la chaîne de transmission et ainsi de suite. Donc ça fait partie des livres d'aqida des salaf qui sont très très célèbres. C'est comme la aqida de l'imam Ahmad dans Usul al-Sunnah, et la aqida de l'imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal al-Sunnah, ou al-Khalal qui a écrit al-Sunnah aussi, ou Ibn Abi Asim qui a écrit aussi al-Sunnah, et plein d'autres livres comme ça dans lesquels les imams d'Ahl al-Sunnah écrivent leur aqida. Ils écrivent et ils expliquent qu'est-ce que c'était leur croyance. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va juste lire l'introduction du livre. C'est la aqida, comme je disais, des deux imams, al-Raziyayn. Le Cheikh Ahmed al-Zahrani, qui écrit l'introduction, il dit, après avoir fait khutbat al-Hajja, il dit: Awalan, أود أن أتحف القراء بما خطه يد الشيخ العلامة حامل لواء الجرح والتعديل بحق وصدق رغم أنوه في الحاقدين والحاسدين والشككين والمشككين أسد السنة وقامع البدعة المحدث السلفي ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله من مؤلفات ومقالات وشروحات من شتى المجالات أو في شتى المجالات بعضها تبع وبعضها تحت الطبع. نعم. Donc le cheikh il dit: j'aimerais embellir les lecteurs par ce que la main de notre cheikh, celui qui a élevé la bannière du jarh et ta'dil, de la critique et de l'éloge à notre époque de cette science, donc qui est donc celui qui a réellement relevé et soulever la bannière du jarh wa ta'dil à notre époque avec sincérité et en vérité, malgré qu'il y a des gens qui sont jaloux ou qui ont des doutes ou qui détestent le cheikh, détestent cette appellation, mais il est réellement celui qui a soulevé et qui a relevé cette bannière, et il est le lion de la sunna et celui qui a écrasé la bid'a. Le muhaddith, un savant hadith salafi, son nom c'est Cheikh Rabi' ibn Umair, ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali hafizahullah. Et donc je veux montrer aux lecteurs donc certains des écrits, des paroles ou des écrits ou des explications de livres que notre Cheikh a fait ou écrit dans différents domaines des sciences islamiques, et qui sont publiés ou qui sont en train d'être publiés ou à veille d'être publiés. Donc tout ça c'est important, parce que il y a des gens qui, comme on sait, détestent le cheikh, des gens à notre époque qui détestent le cheikh, et tu trouveras que ceux qui le détestent sont tout le temps des gens de bid'a et des hizbiyin, et qui le détestent au point même de le maudire et de l'insulter, comme certains dernièrement ont osé faire sur le minbar d'une des mosquées en France, Et ça a été diffusé même sur YouTube. Allah musta'an. Non, certains ils ont fait ça, il y en a un. Donc c'est pour dire ces gens-là, les insultes qu'ils mentionnent et les paroles qu'ils disent contre le cheikh, il y en a, ça revient contre eux-mêmes de toute façon. Et ils ne font que du tort à eux-mêmes en essayant d'insulter le cheikh de cette façon. Et j'ai fait déjà les cours sur yani la réponse à ceux qui appellent les salafis des madakhila, hein. Donc j'ai fait comme 7 ou 8 cours sur ça qui sont sur le site Salafi de Montréal. Donc celui qui veut avoir des informations à ce sujet-là peut retourner à ce que le cheikh a dit, puis c'est-à-dire dans les livres que j'ai traduits dans cette série-là, puis également qu'est-ce que les ulama d'Ahl Sunna ont mentionné à notre époque à propos du cheikh comme éloge. Donc tout ça c'est mentionné dans les cours que j'ai faits, les réponses à ceux qui appellent les salafis des madakhila. Ensuite, donc le cheikh il va énumérer certains livres que le cheikh a écrits à notre époque. Et on va pas lire tous les titres parce que là il y en a beaucoup trop, mais on va juste mentionner, disons, certains d'entre les livres que le cheikh a écrit pour voir à quel point le cheikh est actif dans la science et comment il est toujours en train d'enseigner ou d'écrire. Donc il est très prolifique dans le domaine scientifique islamique et tout. Donc premièrement, parmi les livres qui sont publiés dernièrement ou qui vont être publiés, Tanzih al-Shari'at al-Islamiyya min Fitnat al-Ikhtilat. C'est un livre qu'il a écrit dernièrement qui s'intitule La purification de la charia islamique vis-à-vis de la fitna de la mixité. Donc le cheikh il a écrit un livre pour réfugier, pour clarifier la position de l'islam vis-à-vis de la mixité. Un autre livre qu'il a écrit dernièrement, Hukm al-Muzaharat fi l'Islam, Hiwar ma'a al-Dr Saoud al-Funaysan. Et ça, c'est un livre aussi qui a été publié. Le premier a été publié et le deuxième aussi. C'est-à-dire le verdict au sujet des manifestations dans l'islam. Et c'est un dialogue avec le docteur Saoud al-Funaysan. Ensuite, il y a un autre livre. C'est Aoun al-Bari, bi bayan ma tadammanahu sharh al-sunnah lil-imam al-Barbahari. Donc ça c'est en deux volumes, c'est publié, ça a été publié en Algérie. C'est un livre qui explique la aqida de l'imam al-Barbahari, expliqué par le cheikh Rabi'a. Un autre livre, Al-Bayan wal-Idah li'aqidati ahli sunnati wal-jama'a fi ru'yatillahi yawm al-qiyamati min kitab Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah l'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ça, c'est un livre qui explique et qui clarifie la aqidah d'Ahl al-Sunnah au sujet du fait de, yani que les croyants vont voir Allah au jour de la résurrection. Et c'est des explications tirées du livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. C'est un livre de l'imam Ibn al-Qayyim dans lequel il parle du paradis et de la description du paradis dans le Coran et dans la Sunnah. C'est un livre vraiment merveilleux. Donc, Cheikh Rabi' il a clarifié certains points à ce sujet-là, par rapport à cette question-là en particulier dans ce livre. Ensuite, comme exemple, il mentionne aussi le charh de Kitab al-Sharia de l'imam al-Ajurri. L'imam al-Ajurri, c'est un imam parmi les imams des salafs. Il a écrit un livre qui est assez volumineux au sujet de la aqidah d'Ahl al-Sunnah et la défense de la aqidah d'Ahl al-Sunnah et la réfutation des sectes. Et c'est un des livres, il y en a vraiment fort parmi les livres des imams des salafs sur les questions de manhaj et de aqidah. Donc il réfute les khawarij, il réfute les soufis, il réfute les mu'tazila, il réfute les jahmiya, il réfute les qadariya et ainsi de suite. Dans tous les domaines de la aqidah, il réfute les sectes qui ont dévié. Hein? Donc Cheikh Rabi a fait le charh de ce livre-là, c'est publié en 4 volumes. Hein, c'est un gros livre, yani. Plus que 1400 pages. Et Il a été donc publié ce livre-là. Un autre livre qui s'intitule Sharh al-Ba'ith al-Hafif. Celui-là, il n'est pas encore imprimé, mais c'est l'explication d'un livre de Mustalah, les terminologies de Hadith, écrit par l'imam Ibn Kathir, et Cheikh Rabi', il fait l'explication de ce livre. Donc, il va être publié. Un autre livre, Al-Lubab min Majmou' Nasa'ih wa Tawjihat Cheikh Rabi' Lishabab. Donc, ça, c'est un livre qui contient plusieurs conseils de la part du Cheikh Rabi' pour des jeunes de différentes régions de la Oumma qui appellent le Cheikh, ils ont contacté Cheikh Rabi' par téléphone de différents endroits dans le monde musulman et même en Europe, pour donner des conseils, hein, et des cours et des assises et des explications. Donc ça, c'est un livre qui explique qui mentionne ces différentes conférences ou ces différents conseils que le Cheikh a donné aux jeunes dans différents pays. Un autre livre qu'il a écrit également, ou bien c'est en 4 volumes, c'est des conférences que le Cheikh a données, qui sont rassemblées. Ça s'appelle At-Taqyid al-Badi' li Majalis wa Muhadarat Cheikh Rabi'. Donc toutes les conférences que le Cheikh a données et les assises qu'il a faites sur différents sujets rassemblées dans 4 volumes. Donc il mentionne le Cheikh en détail chacun de ces volumes, qu'est-ce qu'il contient. Le premier volume, c'est sur la Aqida et sur le Tawhid, conférence sur la Aqida et sur le Tawhid. La deuxième série, c'est des conférences sur le Manhaj, question de Manhaj. Le troisième, c'est sur les questions des paroles sur les choses qui ont rapport avec la foi et qui adoucissent le cœur et qui rappellent de l'au-delà et qui sont des conseils généraux et des choses comme ça. Le quatrième recueil de conférences, c'est au sujet des questions de fiqh. Donc ça, c'est quelques conseils sur ça, ou quelques, pas conseils, mais commentaires sur certains chapitres de science. Donc le livre Subul Salam, les chapitres de la purification, donc il y a des points là-dessus. Et le cinquième, c'est au sujet de la guidance et de la foi, des assises à propos du Coran. Le sixième, c'est au sujet de la science et la quête de la science et des conseils pour les étudiants. Sujet ou recueil dans ces volumes-là, c'est An-Nahj al-Qawim min Ahadith al-Rasul. Donc ça, c'est des explications de différents hadiths que le Cheikh explique. Donc des hadiths qui sont des hadiths qui renferment plusieurs principes. Le Cheikh, il les explique en détail. Tout ça, c'est nouveau, hein. Tout ça, c'est des nouveaux livres qui viennent d'apparaître dernièrement, dans les dernières années, ou bien qui vont apparaître. Comme celui-là, ça, c'est un nouveau. Il y en a celui qu'on fait maintenant, la Aqida des deux Razis, ça, c'est nouveau. Et il y a aussi l'autre livre dont j'ai parlé tout à l'heure, l'explication du livre de Ash-Sharia. Ça aussi, c'est nouveau. Ensuite, il y a quoi comme explication aussi? Il y a l'explication de... Donc ça, c'est ce qui a rapport avec les nouveaux livres. Ensuite, le Cheikh, il dit « هذا غير الفتاوى التي قد تصل إلى 10 مجلدات » Donc ça, c'est sans parler des fatawas qui ont atteint 10 volumes. Et là, ça, c'est les fatwas qui ont été publiées du Cheikh. Après, le Cheikh, il dit « وهذا الجهد الطيب المبارك إن شاء الله فيه رد على من يقول كتب الشيخ ربيع كلها ردود » Donc là, le Cheikh, maintenant, il va répondre à certaines allégations qui ont été faites contre le Cheikh Rabi' sur certains sujets, puis il va répondre à chacune de ces allégations là, une par une. Donc c'est c'est des explications très très intéressantes et bénéfiques. Le cheikh il dit, premièrement, Kutub Sheikh Rabi, il y en a des gens qui disent, ça dans tous ces efforts qu'on voit de la part du Sheikh Rabi, qui sont bénis, hein, Inch'Allah, c'est quelque chose qui réfute ceux qui disent, premièrement, que les livres de Sheikh Rabi ne sont que des réfutations. Il y en a qui blâment Sheikh Rabi et qui disent, oui, mais lui, il écrit que des réfutations seulement. Il ne fait que réfuter les gens de Bid'ah seulement. Alors le Sheikh, il dit que ça, c'est pas vrai, premièrement. La preuve, on a lu les titres. La plupart des livres, il y en a, qu'il écrit, c'est pas nécessairement des réfutations. Même s'il y a beaucoup de réfutations, c'est vrai. Mais le Cheikh, il dit en note de bas de page, il dit, Al-Qur'an min awwalihi, fihi raddun ala al-munafiqin, wal-yahud, wal-nasara, wa ahl al-ahwa, wal-bida', bal julluhu kadhalika, wa sunnatu rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, mali'atun bil-radd ala hadhihi al-asnaf. وما ورد في كتب السلف كثير جدا بل هناك مؤلفات مفردة في الرد يعني كالرد على الجهمية للإمام أحمد وابن منده والدارمي رحمهم الله والرد على المبتدعة لابن البنا رحمه الله والرد على الرافضة للإمام محمد بن عبد الوهاب والرد على من أباح الربا الجاري في بعض البنوك للشيخ التويجري وغيرهم كثير. Donc le cheikh dit premièrement tout qu'est-ce qu'il y a le Coran du début jusqu'à la fin, quand tu lis dans le Coran, c'est rempli de redout, c'est-à-dire c'est rempli de réfutations dans le Coran même, des réfutations contre les hypocrites, contre les juifs, contre les chrétiens, contre les gens de la passion et les bid'ah. Même que la grande partie du Coran, c'est des réfutations. Et également, dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est rempli de réfutations aussi de cette catégorie-là. Hein? Et ce qui a été rapporté dans les livres des salafs comme réfutation, c'est très nombreux également. Et même qu'il y a eu des livres qui ont été écrits par les imams qui sont, il y a une idée, réfutation indépendante, c'est-à-dire séparée. C'est ça. Donc, il y en a, comme on disait, donc il y a les livres des salafs qui ont été écrits pour réfuter des gens de bid'ah en particulier ou des sectes en particulier. Comme par exemple, la réfutation des Jahmiyyah, écrit par Ahmed ibn Hanbal, ou bien écrit par Ibn Mandah, ou bien écrit par Ad-Darimi. Ces trois imams ont écrit un livre qui s'appelle Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah. Il y en a beaucoup d'autres aussi parmi les imams qui ont écrit des livres sur ce sujet-là aussi pour réfuter les Jahmiyyah. Un autre livre qui s'intitule Ar-Radd 'ala al-Mubtadi'a, écrit par Ibn al-Banna, rahimahullah, un autre imam parmi les imams des salafs. Donc ça, c'est un autre livre de réfutation contre les gens de bid'ah. Un autre livre qui s'intitule Ar-Radd 'ala al-Rafida, donc la réfutation des Rafida. Ça, c'est écrit par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et un autre livre qui s'intitule Ar-Radd 'ala man abaha ar-riba al-jari fi ba'd al-bunuk. Ça, c'est à notre époque. C'est un imam, un cheikh qui s'appelait Hamoud al-Tuwayjiri. Hamoud al-Tuwayjiri, c'était un savant qui a écrit plusieurs livres de réfutation. Et parmi les réfutations qu'il a écrites, il y a un qui s'intitule La réfutation de celui qui a permis certaines formes de riba ou le riba qui est courante dans les banques, et il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Il dit le cheikh ensuite bal aghlab kutub ibn taymiyyah wa tilmizuhu ibn al-qayyim yani wa a'imat ad-da'wa an-najdiyyah rahimahumullah rudud ala ahli ad-dalal. Il dit la plupart des livres écrits par Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, ainsi que les imams de la da'wa du Najd, les élèves de Muhammad ibn Abdul Wahhab et ceux qui ont découlé de cette da'wa-là, eh bien, la plupart de leurs écrits, c'est des réfutations contre les gens de l'égarement. ثم أليست كتب الردود السلفية من العلم. Il dit le cheikh, il pose une question. Il dit, n'est-ce pas que les livres de réfutation salafis sont, c'est-à-dire les livres salafis de réfutation, ne sont-ils pas des livres de science aussi? Hein? Il n'y a pas de science dedans. Bien sûr qu'il y a de la science dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est des livres de réfutation qu'il n'y a pas de science. Au contraire, c'est rempli de science. Et même que parfois, hein, pour rajouter à ce que le cheikh dit, des fois, la science qui est dans les livres de réfutation est plus forte encore que les livres dans lesquels il n'y a pas de réfutation. Pourquoi? Parce que tu vois, on te présente le faux et on la réfute et on te montre la vérité et on l'affirme. Donc, non seulement tu vas connaître la vérité mieux, mais tu vas aussi connaître le faux et tu vas savoir comment réfuter ce faux-là. Donc, ça devient encore plus puissant dans l'affirmation de la vérité que les livres de sciences ordinaires. Hein? Donc les livres de réfutation, il n'y a pas meilleur que ça, pour de vrai. Parmi les livres de science, il n'y a pas de mieux, hein? Il n'y a pas meilleur que les livres de réfutation. Et déjà, on a dit, au tout début, le cheikh, il a dit, déjà le Coran, c'est un livre de réfutation. Hein? Donc, si le Coran est un livre de réfutation, yani, est-ce que, yani, il peut y avoir quelque chose de mieux que ça? Non. Donc, il y a ça comme exemple. Après, il dit le cheikh, « Wa alaysa ». وأليس مادتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر أو وما أثر عن السلف الصالح. C'est-à-dire, n'est-ce pas que la matière qui est tirée dans ces livres, qui est mentionnée dans ces livres de réfutation, n'est-ce pas que cette matière-là est tirée du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et n'est-ce pas que c'est tiré également des narrations des salaf الصالح. Bien sûr. بل إن كثيرا من المسائل لم يتضح القول فيها إلا من خلال كتب الردود. فلماذا يحارب العلم بهذه الطريقة الماكرة؟ Donc le cheikh il dit que même que plusieurs d'entre les questions qui ont rapport avec la science ne deviennent pas claires et on n'arrive pas à prendre une position claire à leur sujet, excepté à travers les livres de réfutation. Alors, pourquoi dans ce cas-là, on fait la guerre à cette science, ou à la science de cette façon? De cette façon rusée et trompeuse. Hein? Donc ça, c'est pas correct. Ensuite, un autre exemple. Certaines personnes disent à propos du Cheikh Rabir, « Wa anna juhudahu fil madi a'zamu min juhudihi fil hadir ». Donc ça, c'est une autre allégation qui a été faite à notre époque, que supposément que ses efforts dans le passé étaient plus forts et plus grands que ses efforts actuels, présents. Le cheikh, il répond à ce sujet-là et il dit « Bal kullu juhudihi kulluha azima walillahi alhamdu walmanna fil madi walhadir wa yashhadu bithalika alqasi waddani walakin ashab alnufus almarida waladwa alkhafiyya la tartah. لا بد أن تكشف عن حقيقتها ومكنونتها من تعال وحقد وحسد ونحو ذلك. Donc le cheikh il dit que tous les efforts du cheikh, elles sont toutes grandes par la grâce d'Allah, et dans le passé et dans le temps présent. Donc c'est pas vrai de dire que les efforts passés sont plus forts ou plus grands que les efforts présents. Et il dit, et on peut, n'importe qui peut témoigner de ça, qu'il soit de proche au cheikh ou loin du cheikh, n'importe qui peut être témoin de ça, mais les gens qui ont des âmes malades, hein, et des desseins cachés, ils ne sont pas en paix. Hein? Il faut, yani, tôt ou tard, yani, que qu'est-ce qu'ils ont en eux-mêmes comme réalité qui est à l'intérieur d'eux-mêmes soit dévoilée tôt ou tard. Hein, du fait qu'ils ont de la fierté, de la jalousie et de la rancune et de la haine contre le cheikh. Pour différentes raisons, yani. Soit parce que le cheikh les a réfutés ou parce que le cheikh a réfuté leur jama'a, ou leur secte, ou leur groupe, ou des choses de ce genre. Ou leur cheikh, yani, parmi leurs cheikhs, parmi les chouyours, si, ce sont soit des chouyours qui ont des bid'a, donc il les a réfutés. Exact. Ou bien, c'est des chouyours qui ont des erreurs et le cheikh les a corrigés. Et eux, ils n'aiment pas ça. Après, le cheikh, il dit وإخلاصه واشتغاله بالعلم وحرصه على وقته وإلا لما أنتج هذا الإنتاج نسأل الله المولى له التوفيق والسداد في القول والعمل والبركة في عمره ووقته. Donc le cheikh il dit, la sincérité du cheikh et son occupation dans la science et son effort, dans le fait de vouloir profiter de son temps, ça c'est quelque chose c'est pour dire que c'est quelque chose qui est clair, qu'on voit ça en lui, puisque sinon il n'aurait pas pu produire tout ce qu'il a produit comme livre et comme science et comme travail qu'on voit par exemple parmi les publications qu'il a publiées dernièrement. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le succès et la droiture dans la parole et dans l'action, et on demande également au chef qu'il lui donne la bénédiction dans sa vie et dans son temps. Amin. Donc le chef il dit ensuite, parmi les allégations, وَأَنَّهُ لَوْ اِشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ وَجَدَّ فِيهِ لَأَفَادَ كَثِيرًا. Et que, il y en a certains qui, certaines personnes disent que si le cheikh il travaillait plus dans les questions de science et il faisait plus d'efforts dans la science et qu'il était plus sérieux dans la science, eh bien il pourrait profiter beaucoup. Il pourrait profiter beaucoup plus. Donc le cheikh il dit à ce sujet-là, il dit هذه المؤلفات في التفسير والعقيدة والحديث والفقه والزهد والآداب وغيرها أليست من العلم انبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Donc le cheikh il dit, tout ce que le cheikh a écrit dans le tafsir, dans l'aqida, dans le hadith, dans le fiqh, dans le zuhd, dans les bonnes manières, dans l'adab, n'est-ce pas que cela fait partie de la science? Donc donnez-moi une réponse, informez-moi avec science si vous êtes véridique. أقول, donc le cheikh il répond, il dit أقول أولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Premièrement je dis, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 5 dans sourate Al-Kahf, comme quelle grande parole qui est sortie de leur bouche, ils ne font que dire des mensonges. Donc c'est un gros mensonge qu'il profère, yani. Ils ne font que dire des mensonges. Deuxièmement, ما ذكرته سابقا أكبر دليل على رد هذه الأقوال الكاذبة الحاسدة الحاقدة. Donc deuxièmement, ce que j'ai mentionné précédemment est la plus grande preuve pour répondre à ce genre de paroles de jalousie et de haine. Troisièmement, ثالثا ايضا جهودكم يا من تقولون هذه الاقوال التي لا زمام لها ولا خطام وان تعجب فعجب القول لقولهم وفعلهم يصدقون مثل هذه الاراجيف في اهل السنه فيتحركون ويحركون ولما تاتي بالادله والبراهين على من يصف الصحابة بأن فيهم غثائية ومن يثني على رسالة تقرر وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان ومساواة الأديان والدعوة إلى تطبيق القانون الدولي واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وإلزام الجميع بقبولها والدعوة إلى الديمقراطية وغير ذلك من البلايا ومع ذلك يقال عنها أنها رسالة سباقة في شرح رسالة الإسلام لا نرى منهم أي حركة ضد هذه العقائد الفاسدة المدمرة ولا تحذير ممن صدر منه هذا الثناء. Donc le cheikh il dit ensuite, donc où sont vos efforts à vous, hein, vous qui dites ce genre de paroles qui ne sont supportées par aucune preuve. Et il dit ici en bas, en note de bas de page, il dit ولن أقسم على ما أراه ويراه غيري من شيخنا حفظه الله من حرص وجد ونشاط في العلم والتأليف والقراءة والتدريس والحرص على ما ألفه السلفيين والصلح بينهم وحسم الخلافات من جذورها أمور لا يستطيعها كثير من الشباب الأقوياء فضلا عن هؤلاء المخذلة الذين ليس لهم جهد ولا هم إلا التشويش على أهل السنة الصادقين بالكذب والتلبيس والتهم الفاجرة والباطلة ولا أدري أي سلفية يدعون إليها كما يزعمون. Donc le cheikh il dit, et je ne vais pas jurer de ce que je vois et ce que d'autres voient de la part de notre cheikh, que Allah le préserve, hein, des efforts qu'il a et du sérieux qu'il a et du travail, de l'action qu'il, hein, il est, de l'action, de la motivation qu'il a dans la science, dans l'écriture, dans la lecture, dans l'enseignement, et également la motivation et l'effort qu'il fait, hein, à réunir les salafis entre eux, à faire des ententes, c'est-à-dire, hein, des réconciliations entre eux pour cesser les divergences à partir de la racine, et des choses que beaucoup d'entre les jeunes qui sont forts et pleins d'énergie ne sont même pas capables de faire, hein? Et en particulier, et encore plus, il y en a ces lâches, hein, qui n'ont aucun effort et aucun travail et aucun effort et aucun intérêt excepté que de déranger les gens de la sunna sincère en mentionnant des mensonges à leur sujet et en mélangeant la vérité et le faux et en faisant des fausses accusations perverses. Donc il dit, je ne sais pas quelle salafie ces gens-là prétendent posséder ou suivre, hein, contrairement à ce qu'ils prétendent. C'est-à-dire, et ces gens-là, même s'ils prétendent salafis, on voit que leurs actions sont en contradiction avec ça. ثالثا أين جهودكم يا من تقولون هذه الأقوال. Donc il a dit, où sont vos efforts à vous, ô vous qui dites ce genre de paroles qui n'a aucune vérité. وإن تعجب فعجب لقولهم وفعلهم يصدقون مثل هذه الأراجيف. Donc si tu t'étonnes, étonne-toi de leurs paroles et de leurs actions alors qu'ils croient en ce genre de mensonges, hein, et ce genre de fausses rumeurs contre les gens de la sunna. Et tu les vois s'activer, hein, et bouger, y en a propager ce genre de mensonges. Et lorsque tu leur amènes les preuves, eh bien, y en a, tu leur amènes les preuves à propos de celui qui décrit les sahaba en disant d'eux qu'ils sont, des gens insignifiants, des gens qui accusent les sahaba d'être insignifiants. Des gens qui font l'éloge d'un texte qui a été écrit, qui appelle à l'unification des religions, ou à la fraternité entre les religions, ou à la liberté de religion, ou à l'égalité des religions, ou qui appelle à l'application du droit international, ou qui appelle au respect des ententes et des traités internationaux qui sont diffusés ou publiés par les Nations Unies et qui impose à tout le monde de les accepter et qui appelle à la démocratie et d'autres parmi les malheurs qui sont présents dans ces textes, dans ce texte-là, et tu l'entends celui-là dire à propos de ça que c'est un texte qui explique le message de l'islam, qui est en avant, au devant de l'explication du message de l'islam. C'est grave. Hein? Et il fait allusion ici à Al-Halabi, bien entendu. Hein? Il dit, et on voit que plusieurs, parmi ces gens-là, quand ils entendent ce genre d'attitude de la part de cette personne ou d'autres, ils ne bougent pas d'un poil. Yani, ils ne font aucun effort pour réfuter ça ou mentionner la fausseté de ces fausses croyances destructrices, et ils ne mettent même pas en garde contre la personne qui fait ce genre d'éloge, hein, qui fait l'éloge de ce genre de texte. Et également de la part de celui qui dit aussi ou qui fait aussi les éloges, il dit wa man yuthni ala al-ikhwan wa at-tabligh wa yudafi an ahliha an ahli al-batil wa yat'anu fi ahli as-sunnati wa yaj'alu al-haq batilan wa al-batil haqqan. C'est-à-dire, il ne critique pas celui qui fait l'éloge des ikhwan, fait l'éloge des tablir, et qui défend les gens de la fausseté, et qui attaque et insulte les gens de la sunna, et qui fait de la fausseté quelque chose de vrai, et qui fait du vrai quelque chose de faux. Donc il mélange. Le faux, il le rend vrai, puis le vrai, il le rend faux. Allah musta'an. Et il dit, wa nasma'u min ha'ula al-mukhazzilin haraka. La nasma'u min ha'ula al-mukhazzilin haraka. Wa ka'anna al-amr la yu'inu, la yu'nihim. C'est-à-dire, on n'entend pas de la part de ces gens lâches, yani, aucun mouvement et aucun effort, comme si ces choses-là ne les concernaient pas. Yani, c'est comme si ça ne leur dérange pas du tout, ils s'en fichent complètement. Donc, ça c'est étonnant. Hein? Et al-mukhazzilin, on appelle al-mukhazzilin, c'est les gens qui abandonnent la vérité, ou qui abandonnent les gens de la vérité, alors que les gens de la vérité ont besoin d'eux. Hein? Parce que quand les ulama salafiyin diffusent la sunna et propagent la sunna et défendent la sunna et ils réfutent la bid'a et réfutent les gens de bid'a, hein? Alors les gens de la sunna ont besoin, yani, après le support d'Allah, du support de leurs frères, hein? Mais il y a une catégorie parmi ceux-là qui se disent faire partie des gens de la sunna, mais quand viennent les difficultés ou les affrontements, ils abandonnent les gens de la sunna et ils les laissent tout seuls. Hein, ils s'en vont comme des lâches et ils les laissent tout seuls et ils les défendent pas et ils les aident pas. Donc ça, c'est l'attitude de ceux qu'on appelle les mukhazzilin. Hein, quand c'est le temps de faire la da'wah et de défendre la sunna, de défendre la salafia, de défendre la vérité de l'islam contre les kuffars, contre les gens de bid'a, contre les sectes, contre les égarés, hein, eux, ils prétendent tout le temps, ah oui, nous on est salafi, nous on est salafi, nous on défend la sunna. Quand vient le temps de l'affrontement, dans le sens que, yani, là on va défendre la vérité, on va réfuter les gens de bid'a, eux tout d'un coup, hein, ils disparaissent. Ils disent pas un mot pour supporter leurs frères, pour défendre leurs frères, pour défendre les machaires, pour défendre les ulama qui défendent la sunna. Non. Ils disent plus rien, ils les abandonnent. C'est ça qui est mentionné dans le hadith, hein, justement, que le cheikh il va mentionner. Il dit, وعندما يتحرك أهل السنة لنقد هذه الفواقر العظام ويردون بحق وصدق على من يقرر ذلك يتحرك هؤلاء المخذلة الذين حذر يعني يتحرك هؤلاء المخذلة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي رواية ولا من كذبهم فيقولون عليكم بالعلم اتركوا هذه التهاجر وهذه الفتن هذه الأمور تشتت الشباب إلى آخره. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque les gens de la sunna commencent à bouger et à s'activer pour critiquer et réfuter, hein, ces pauvres, hein, ces pauvres gens et ces égarés, et ils les réfutent avec vérité et avec sincérité, hein, et avec science, yarhamukallah. Donc ils réfutent avec science les personnes qui propagent ces faussetés-là, et on les voit tout d'un coup, ils commencent à, yani, ces lâches commencent à bouger, Il commence à agir yani, en disant occupez-vous de la science, laissez tomber ces, yani, ces comportements de vous, yani, vous fuir les uns les autres ou vous boycotter les uns les autres ou laissez ces fitanes et ces choses-là, ça divise les jeunes, il ne faut pas rentrer là-dedans ou des choses comme ça. Et ça, c'est l'attitude de ceux qui ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, yani, quand il a dit dans le hadith, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera sur la vérité. Ceux qui les abandonnent et ceux qui les abandonnent, c'est eux, les lâches, al-khadala, hein, al-mukhadila. C'est-à-dire ceux qui abandonnent les gens de la vérité lorsqu'ils ont besoin de leur support. Donc, ils ne leur feront aucun tort. Même s'ils les abandonnent, même s'ils s'en vont, au moment où ils ont besoin de leur aide, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils sont sur la vérité, de toute façon. Même s'ils les laissent tout seuls. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre da'wah? Ce n'est pas le nombre. Et ce n'est pas le nombre de personnes qui va changer quelque chose. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Il y a des prophètes qui vont arriver au jour de la résurrection. Avec eux, ils vont juste avoir un homme ou deux qui les ont suivis. Et il y en a d'autres prophètes, aucun homme ne les a suivis. Même pas un. Alors, est-ce que nous on est meilleur que les prophètes? Est-ce que nous on est meilleur que les messagers d'Allah? Non. Pourtant, ces messagers d'Allah et ces prophètes, eux, ils n'auront personne qui les a suivis du tout. Est-ce que ça veut dire que leur da'wah n'était pas bonne? Qu'ils n'étaient pas bons dans la da'wah? Ou qu'ils n'ont pas bien fait leur travail de prophète? Non. C'est juste que c'était leur test et c'était leur épreuve. Et ils ont fait la da'wah à Allah avec sincérité et avec force et avec vérité. Mais les gens n'ont pas voulu les suivre. Hein? Ils ont refusé la vérité. Et donc, ce n'est pas de leur faute aux messagers, aux prophètes. Hein? Et donc ça, c'est la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un, par exemple, il appelle à Allah, il voit que les gens ne l'écoutent pas, que les gens ne veulent pas le suivre, c'est pas grave. Il continue sa da'wah, il fait sa da'wah. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de guider les hommes, il va les guider. C'est pas nous qui guidons, c'est Allah. Si les gens, Allah veut qu'ils viennent, ils vont venir. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut ouvrir le cœur des hommes, il va ouvrir leur cœur. C'est pas toi qui va les faire venir à toi ou qui va les faire accepter la vérité, non. C'est Allah qui décide ces choses-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Hizbiyyin, eux, ils s'inquiètent de ça? Parce que pour eux, qu'est-ce qui compte? C'est le nombre seulement. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui les suivent, eux, pour eux, ils pensent ça veut dire que je ne suis pas sur la vérité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire qu'il faut agir d'une façon pour que les gens soient satisfaits et contents. Donc, on va déformer la vérité. Allah, il dit ça, le prophète dit ça. Hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ça. Bon, c'est pas grave. Si on parle de ça, les gens, ils vont pas aimer. Les gens, ils vont pas venir. Donc, on va changer le message. On va dire les choses maintenant d'une autre façon nouvelle. Les gens, ils vont être contents, ils vont venir. Donc, ils déforment la religion pour attirer le monde. Et c'est ça qui se passe. Allah al-musta'an. Donc ça c'est une catégorie de personnes, nasallallahu al-afiyah. Donc ceux qui abandonnent les gens de la vérité et ceux qui s'opposent aux gens de la vérité ne vont rien pouvoir le faire pour les nuire. Hein, ne vont rien pouvoir faire pour leur nuire jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement alors qu'ils seront encore sur la vérité. C'est-à-dire que depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une année après sa mort, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un groupe des musulmans sur la vérité quelque part dans le monde. Une portion des musulmans, c'est pas la majorité, mais c'est une portion des musulmans. Hein? Donc ça c'est important de comprendre ça. Et dans une autre narration même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala man kadhabahum, c'est-à-dire ni même ceux qui les traitent de menteurs ou qui ne croient pas en eux, qui les démentissent et qui les démentent. C'est-à-dire ceux qui les traitent de mensonges ou de menteurs, qui traitent de leurs paroles de mensonges, ils ne pourront rien faire pour leur nuire. Ça c'est rapporté dans Al-Bukhari. C'est rapporté, cette narration-là, l'ajout qui qui dit c'est-à-dire et ni ceux qui les renient ou qui les traitent de mensonges ou de menteurs plutôt, ça aussi c'est dans le Bukhari. Il dit, et c'est, donc ces gens-là, ils disent aux gens, pour les écarter de la da'wa salafia et des salafis, puis pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas prendre la défense des gens de la sunna, ils disent, ah non, laissez ces sujets-là, ça fait de la fitna, ça fait des problèmes entre les jeunes, ça divise les jeunes et des choses de ce genre. Le cheikh dit, هذه الافعال والاقوال التي تضر من هؤلاء المخزلة حذر منها سلفنا الصالح. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ دمشق عن عقبة بن علقمة قال كنت عند أرطة بن المنذر فقال بعض أهل المجالس أو أهل المجلس ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال يقول أرطة هم منهم لا يلبس عليكم أمره. قال فأنكرت ذلك على من قول أرطة. قال فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته فقال صدق أرطة والقول ما قال هذا ينهى عن ذكرهم هذا يعني ينهى عن ذكرهم ومتى يحذروا إذا لم يشاد بذكرهم. سبحان الله ما شاء الله السلف les imams des salaf ils étaient forts dans la compréhension de la sunna. On voit il dit l'attitude de ces jeunes là et l'attitude de ces gens-là qui veulent agir en lâche quand c'est le temps de réfuter les gens de Bid'a et les Hizbiyyin, cette attitude et ces actions et ces paroles qui viennent de leur part et qu'on entend de ces lâches contre lesquels nos salafs ont mis en garde, on les retrouve ces exemples-là même dans les paroles de nos salafs au salih. L'exemple de ce que l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi a mentionné dans son livre Tarikh Dimashq, le volume 8 à la page 15. Qu'est-ce qu'il dit? Soit c'est le volume, non, je pense c'est la page 15 du volume 8, c'est ça, volume 8 à la page 15. Il dit quoi? Selon Uqba ibn Alqama, il a dit, j'étais avec Arta ibn al-Mundhir. Donc Uqba ibn Alqama, il dit, j'étais avec Arta ibn al-Mundhir et avec certains gens on était assis ensemble dans une assise. Les gens étaient assis, ils discutaient, et quelqu'un a posé une question. Quelqu'un qui était assis a posé la question. Qu'est-ce que vous dites à propos de l'homme qui s'assoit avec les gens de la sunna et qui se mélange avec eux? Il s'assoit avec les gens de la sunna, il se mélange avec les gens de la sunna, mais lorsqu'on parle des gens de bid'a ou on mentionne les gens de bid'a, La personne dit laisse-nous tranquille avec le fait de mentionner ces gens-là. Ne les mentionne pas et ne parle pas d'eux. C'est-à-dire, quand on parle des gens de bid'a, il dit non, on parle pas des gens de bid'a, mentionne-les pas. Alors, Arta a répondu et il a dit celui qui dit ça fait partie d'eux. C'est-à-dire, fait partie des gens de bid'a. Il dit, ne soyez pas confus ou mélangés à son sujet. La personne, quand tu commences à mettre en garde contre des mubtadi'a, des gens de bid'a ou des hizbiyyin, la personne est là, elle dit, non, parle pas d'eux, il ne faut pas parler d'eux, il ne faut pas mentionner ces gens-là. Alors, l'imam Arta, il a dit, il est avec eux. Celui qui dit, parle pas d'eux, il est avec eux. Ne soyez pas mélangés à son sujet. Alors, quelqu'un qui a entendu la réponse de Arta n'a pas aimé ça, qu'ils disent qu'il fait partie d'eux. Il n'a pas aimé ça. Il a dit quoi? Il a dit, non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi tu dis qu'il fait partie d'eux? Il n'a pas accepté ça. Il a refusé cette parole. Alors, Arta a dit, alors je suis parti voir l'imam Al-Auza'i. L'imam al-Auza'i, c'est l'imam, il est parmi les imams des salafs de la région de la Syrie à l'époque. Hein, tout le Cham, la Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, tout ça on appelle Cham. Donc c'était l'imam de cette époque-là, à l'époque de l'imam Malik, à l'époque de l'imam Sufyan ibn Uyayna et de ses grands imams. Donc c'était un des grands savants de l'époque. Ils sont allés voir l'imam al-Auza'i, et l'imam al-Auza'i était un spécialiste dans ces questions-là. Il était bon pour démasquer, dévoiler ce genre de choses. Alors ils lui ont parlé de qu'est-ce qui est arrivé de cette histoire, que quelqu'un a posé la question que quand les gens, quelqu'un fait partie des gens de la sunna, il se mélange avec les gens de la sunna, on mentionne les gens de bid'ah, puis il nous dit non, on ne parle pas d'eux, il ne faut pas les mentionner, il ne faut pas parler d'eux. Alors la personne a répondu, celui-là il fait partie d'eux. Et quelqu'un n'a pas été content, il n'a pas accepté que Arta dise ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Auza'i lorsqu'il a entendu l'histoire? Il a dit c'est Arta qui a dit vrai. C'est-à-dire, celui qui a dit il fait partie d'eux, il est un des leurs, ne soyez pas confus à son sujet, eh bien il a dit c'est lui qui avait raison. C'est-à-dire c'est Arta, c'est celui-là qui avait raison. Et il dit pourquoi? Il dit la position correcte, c'est la position de Arta. Parce que celui qui dit ne parlez pas d'eux, il interdit aux gens de parler des gens de bid'ah. Et il a dit, et quand est-ce que les gens vont pouvoir être mis en garde et avertis au sujet des gens de bid'ah si on les mentionne pas? Hein? Donc si on parle jamais des gens de bid'ah, puis on met jamais en garde contre eux, puis on parle jamais d'eux, quand est-ce que les gens vont savoir que ces gens-là sont des gens d'égarement, et que ces gens-là sont dangereux, et que ces gens-là égarent les gens? Donc, c'est comme si pour expliquer, pour faire comprendre que des fois parmi les gens qui se disent salafis, il y en a qui s'infiltrent, ou bien qui se mélangent avec les salafis. Puis qui disent aux musulmans, ne parlez pas de gens de bid'ah, arrêtez de parler de ça, ça divise les gens, ça divise les jeunes, ça fait de la fitna, hein, et ainsi de suite. Ça, c'est un des signes des gens qui font partie de cette catégorie de personnes. Après le cheikh, il dit أقول ولا يعلم هؤلاء القائلين أو هؤلاء القائلون أن من يشربون على الشيخ ربيع وإخوانه هم البادون بالفتن من سنوات وسنوات ومستمرون في إثارتها ولا يكلون ولا يملون وهم البادون بالهجران ومواقعهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم تشهد بذلك. Le cheikh il dit, et je dis, ces gens-là ne savent-ils pas que ceux qui disent ce genre de paroles, hein, contre le cheikh Rabi' et contre ses frères, ce sont eux qui ont commencé la fitna depuis des années et des années, et qui continuent à faire la fitna et à propager cette fitna, et ils ne se lassent pas de le faire, et ils ne se lassent pas de continuer à le faire, même que c'est eux qui ont commencé à boycotter les salafis, à boycotter les musulmans. Et leur site internet, et leurs écrits, et leurs livres, tout ça témoigne de ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire, c'est eux qui commencent la fitna. Après, ils accusent Cheikh Rabi' et les gens qui le suivent, parmi ses élèves, parmi ses compagnons, parmi les machaïr, d'être eux la cause, hein, de la réfutation ou du hajr ou des problèmes. Le point numéro 2, il dit bal as-sukut wa hadhihi al-mawaqif al-mukhziya wal-mukhalifa lil-manhaj as-salafi hiya allati tufarriq wa tushattit ash-shabab wa tu'ti suratan ghayr sahiha lil-manhaj as-salafi walakin Allah al-maw'id. Il dit ici, mais de se taire au sujet de ces différentes positions, qui sont des positions humiliantes et contraires au manhaj des salafis, c'est celle-là en réalité qui divise les jeunes. C'est l'attitude que ces gens-là ont qui divise les jeunes et qui donne aux jeunes ou aux gens en général une mauvaise image, une image incorrecte du manhaj des salafis. Mais c'est vers Allah que sera le retour et le rendez-vous. Le cheikh il dit, قال الإمام قال إمام أهل السنة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله في قوله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Abdul Aziz ibn Baz. Il dit, ensuite, il dit, pour terminer la citation, فَإِذَا سَكَتَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَنْ بَيَانِ أَخْطَاءِ مَنْ خَالَفَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ شَابَهُ بِذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالطَّالِّينَ. Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit Cheikh Ibn Baz. Ceux qui pensent que Cheikh Ibn Baz, il a un manhaj différent de Cheikh Rabi, et que Cheikh Rabi, il a ramené un manhaj nouveau, différent. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, si les gens de la vérité se cachait de clarifier, c'est-à-dire de clarifier les erreurs des gens qui sont dans l'égarement, eh bien les gens qui sont dans l'erreur continueraient à faire leurs erreurs. Et les gens qui les suivent continueraient à les suivre aveuglément. Hein? Et les gens qui se taisent au sujet de ces erreurs-là, eh bien eux continueraient à accumuler le péché ou à être dans le péché de cacher la vérité. Et ça, c'est un péché que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé. Il a menacé les gens qui ont ce péché-là dans le verset 159-160 dans Surat al-Baqarah. Et il les a menacés en disant, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme révélation parmi les preuves claires et la guidance, après qu'on l'ait clarifié pour les hommes dans le livre, ceux-là, Allah les maudit, et ils sont maudits par tous ceux qui maudissent. Non, ça c'est qui? C'est ceux qui cachent la vérité, de ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre comme preuve et comme guidance, après que cette chose a été clarifiée dans le livre pour les hommes. Excepté ceux qui se sont repentis, qui ont clarifié, hein, qui ont corrigé et clarifié leur erreur. Ceux qui se sont repentis, qui ont corrigé, c'est-à-dire ils ont fait une correction et qui ont clarifié publiquement qu'ils ont fait une erreur dans ces questions-là, qu'ils ont caché la vérité, qu'ils ont fait une bid'ah, qu'ils ont appelé à l'égarement. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance, et certes, Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance et il est miséricordieux. Le cheikh il dit ensuite que Allah, cheikh Ibn Baz continue, il dit Allah a pris l'entente et l'engagement et le pacte des ulama, des gens du livre, les savants des gens du livre. Allah a pris d'eux une entente. Hein? Qu'ils allaient clarifier la parole d'Allah aux hommes et qu'ils n'allaient pas la cacher. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés du fait qu'ils ont jeté le livre derrière leur dos, et il nous a avertis, c'est-à-dire Allah nous a avertis de ne pas les imiter, de ne pas les suivre. Hein? Les rabbins, les moines et autres. Et donc, le cheikh, il dit, si les gens de la sunna se taisent de clarifier les erreurs de ceux qui ont contredit le Coran et la sunna, alors, dans ce cas-là, ils ont imité et ressemblé aux gens du livre, ceux sur qui Allah est en colère, ou ceux avec qui Allah est en colère, ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, et les égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ça, c'est ce que Cheikh Ibn Baz a dit. C'est-à-dire ceux qui ne clarifient pas les erreurs de ceux qui contredisent le Coran et la Sunna, eh bien, ils ressemblent aux juifs et aux chrétiens, et aux gens du livre. Exactement. Il y en a qui ressemblent aux juifs et aux chrétiens, il y en a qui ressemblent juste aux juifs, il y en a qui ressemblent juste aux chrétiens. Hein? Ou qui ont des caractéristiques des deux. Le cheikh, il fait un commentaire à ce sujet-là et il dit « وَهَذَا هُوَ مَنْهَجُ السَّلَفَ الصَّالِحِ يُقَرِّرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ هَذَا الْإِمَامَ الْهَمَّامِ عبد العزيز بن باز فَأَيْنَ مَنْ يَتَمَسَّحُ بِهِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْأَعْلَامِ كَالشَّيْخَيْنِ الْأَلْبَانِي وَابْنُ عُثَيْمِينَ مِنْ رَحِمَهُمُ اللَّهِ مِنْ تَطْبِيقِ هَذَا الْكَلَامِ الرَّصِينِ. Donc il dit, ça on voit que c'est le manhaj des salafs qui est confirmé et déclaré par ce grand imam Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Alors, où sont ceux qui essaient de se coller à lui et à d'autres parmi les grands savants comme le Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Uthaymeen, hein, et qui prétendent que eux ils n'étaient pas sur cette voie-là, ou qu'ils réfutaient pas les gens de Bid'ah, ou qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette voie-là, hein? On voit ici les paroles claires de Cheikh Ibn Baz qui confirme l'application de cette parole, yani claire, qui confirme l'application du manhaj des salaf. Cheikh il dit ensuite wa ahlul bid'ah wal hawa ka Adnan Ar'ur wal Maghrawi wa Abu al-Hasan al-Ma'ribi wa Ali al-Halabi wa ghayruhum kathir yu'assiluna wa yuq'iduna li za'za'ati manhaj as-salaf ومحاربة أهله بكل وقاحة ولا تجد من هؤلاء الذين يرددون منهج ابن باز كذا ومنهج الأئمة الثلاثة كذا أي حركة ضد هذه المخالفات الشنيعة. Donc le cheikh il dit, les gens de bid'a et de la passion, comme des individus comme Adnan Ar'ur, Al-Maghrawi, Abu al-Hasan al-Ma'ribi, Ali Hassan et d'autres, d'autres également qui sont nombreux, établissent des règles pour essayer de secouer la méthodologie des salafs et de faire la guerre aux salafis avec toute la laideur et sans aucune gêne. Et tu ne trouves aucune personne parmi ceux qui prétendent ou qui disent suivre le manhaj de Cheikh Ibn Baz et qui disent le manhaj de Cheikh Ibn Baz c'était de telle façon, ou le manhaj des trois imams, c'est-à-dire Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen et Cheikh Al-Albani, c'était de telle manière ou de tel manhaj. Hein? Ils disent ça, mais tu ne trouves aucune réaction de la part de ceux-là contre les gens qui amènent des contradictions et qui opposent de cette façon le manhaj des salafs. فإذا رد أهل السنة على هؤلاء المخالفين بحق وعدل هب هؤلاء المخذلين للتشغيب على أهل السنة وحقيقة الأمر أنهم ليسوا على منهج ابن باز ولا الأئمة الثلاثة وإنما هذه العبارات غطاء وستار لأخطائهم وجسر لترويج بضاعتهم لترويج بضاعتهم الكاسدة عند من لا يزال يحسن الظن بهم وإلا أمرهم ليس بخاف على صغار الطلبة ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh il dit, et si lorsque les gens de la sunna réfutent ses opposants avec vérité et justice, tu vois ces lâches commencer à faire du tort et à parler contre les gens de la sunna. Hein? Et la réalité, c'est quoi? C'est que ces gens-là ne sont pas sur le manhaj de Cheikh Ibn Baz, ni celui des trois imams, c'est-à-dire Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen et Al-Albani. Et ces paroles qu'ils disent, c'est uniquement une couverture pour cacher leurs erreurs. et pour l'utiliser comme un pont, hein, ou un tunnel pour arriver, yani plutôt un pont, pour arriver à propager yani leur, leur marchandises ou leur, leurs égarements parmi les gens, chez ceux qui leur donnent encore le bénéfice du doute. Hein? Mais sinon, leur situation et leur réalité, elles n'échappent pas, même aux petits élèves en sciences. Les petits élèves, les débutants en sciences islamiques, ils peuvent pas être trompés par leurs égarements. Donc, deuxièmement, le cheikh il dit, « Wa uqaddimu lil-qurra kitaban jadidan min kutub shaykhina al-allama shaykh Rabi' hafizahullah » ألا وهو شرح أصول السنة للرازيين وقد انتهى من شرح المتن في عام 1432 هجريا ثم فرغت الأشرطة فعرضت علي للمراجعة فانتهى منها أو فانتهى منها في يعني التاريخ 1432 من الشهر 12 اليوم الثمان اليوم 8 هجريا فقمت بالتالي يعني donc le cheikh qu'est-ce qu'il fait, il dit, ça c'est un livre que je présente maintenant au lecteur, c'est un nouveau livre de Cheikh Rabi c'est l'explication de la aqid, les fondements de la sunna ou sur le sunna écrit par les imams ou bien yani la aqida des deux imams Abu Hatim et Abu Zura al-Razi. Et donc, il a été terminé ce charh en l'an 1432. Ça veut dire, ça fait 3 ans. Et ça a été enregistré et les cassettes ont été retranscrites. C'est-à-dire, les paroles ont été retranscrites et le cheikh Ahmed Zahrani les a revues et il a fait des corrections. Et yani, le cheikh, il explique qu'est-ce qu'il a fait dans le livre. Il dit « Adkhaltu al-ta'dilat allati amilaha shaykhuna hafizahullahu ala al-sharh » J'ai introduit les corrections que notre cheikh Rabi a introduit dans le charh, dans l'explication. Deuxièmement, il dit « J'ai vérifié le texte du livre en me basant sur les versions vérifiées. Hein. » Troisièmement, il dit « J'ai écrit les numéros des versets » dans le mushaf, quand les versets sont écrits, le verset du Coran, il a écrit le numéro du verset. Et également les hadiths et les paroles des salafs. Et j'ai mentionné également les questions, les règles que les hommes de science ont mentionnées par rapport à ces versets et ces hadiths-là. J'ai renvoyé les paroles mentionnées quand j'étais capable de le faire à leur origine ou leur source. Et j'ai numéroté les différentes portions du texte. Et aussi, qu'est-ce qu'il dit, j'ai fait une table des matières pour les versets, pour les hadiths, pour les paroles des salafs et pour le contenu du livre. Et le livre, je l'ai intitulé Qurratul Aynain bi tawdih ma'ani aqidat ar-raziyin. Qurratu al-aynayn, c'est-à-dire la perle des deux yeux dans la clarification des significations de la aqida des deux razi, hein, des deux imams. Hein. Razi, non. Razi, c'est pour désigner les gens qui viennent de la ville de Ray. Donc, tous les gens qui viennent de la ville qu'on appelle Ray, je pense que c'est pas loin de l'Irak ou un peu plus à l'est, on les appelle razi. C'est-à-dire les gens, quelqu'un qui vient de cette ville-là, on dit que c'est un razi. C'est comme Baghdadi, par exemple Shami, ou bien Dimashqi, hein, ou bien Misri. Chaque personne vient d'une région, on lui donne un surnom par rapport à sa région. Donc, les deux imams, ils viennent de la ville de Ray, donc on les appelle yani Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Et quand on le dit à la forme duel, parce qu'en arabe, il y a le singulier, il y a le pluriel, puis il y a aussi le duel, c'est-à-dire quand c'est pour deux choses ou deux personnes. Donc, il dit « al-raziyain », Aqidat al-Raziyan, al-Raziyan, c'est-à-dire les deux qui viennent de Razi, la ville de Ray. Et donc ces deux imams parmi les imams des salafs, comme je disais au tout début, l'imam Abu Hatim al-Razi, il est mort en l'an 277 de la Hijra, c'est-à-dire 277 ans après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Naam, c'est des imams des salafs. Et l'imam Abu Zur'a al-Razi, lui, il est mort en 264. Donc le premier 277 et le deuxième 264. Ouais, à peu près 10 ans entre les deux, un peu plus. Hein, parce que lui c'est 77 et l'autre c'est 64. Donc 13 ans exactement. Donc ça c'est deux grands parmi les grands imams de la sunna. Le cheikh dit, ensuite il termine en faisant un dua. سائلنا المولى عز شأنه وجلت قدرته أن يجزل لشيخنا المثوبة وأن ينفعنا وجميع المسلمين بما سمعنا منه وبما كتبه وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يكفيه شر الحاسدين الحاقدين وأن ينصر به السنة ويقمع به البدعة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كتبه أحمد ابن يحيى ابن خدر يعني الزهراني. Donc il dit, on demande à Allah, le maître, يعني celui qui est yani, le Tout-Puissant et celui dont la puissance est majestueuse, de récompenser notre cheikh et qu'il nous fasse bénéficier, ainsi que tous les musulmans, de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons écrit, et qu'il nous élève en statut dans cette dunya et dans l'au-delà, et qu'il nous préserve du mal des jaloux et des gens haineux, et qu'il donne la victoire par ce livre à la sunna, et qu'il écrase par celui-ci également la bid'a. Et il est certes celui qui est capable de le faire, et qui en a la capacité, et qui est capable de faire en sorte que cette chose-là se fasse. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles et sur ses compagnons. Donc ça c'est écrit par le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Zahrani. Donc ça vient donc terminer l'introduction. On va s'arrêter ici, et on commencera donc la semaine prochaine la lecture de l'explication de chacun des points qui ont été mentionnés dans la aqida des deux imams al-Raziyan. Et en passant, cette aqida c'est pas volumineux, hein, c'est un petit texte qui a été écrit. Ça c'est l'explication qui est de 232 pages, écrit avec des grosses lettres, mais sinon le texte d'origine, c'est-à-dire le texte qui est expliqué par le cheikh peut rentrer dans une page. C'est-à-dire peut rentrer dans une page. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.